Chapitre 10e. Samson Chardy. Josette Rosay considéra du tilleul douloureusement. La voix se brisa instantanément. Je savais que quelqu'un jour viendrait me poser la question. Non qu'elle ne soit pas légitime, bien sûr, répondit Josette Rosay. Je m'attendais à devoir rendre des comptes sur ce point précis. Et je croyais m'y être préparé de mon mieux, alors qu'en réalité... Allons, allons, madame. Loin de moi l'idée de provoquer un tel bouleversement. J'imagine que vous aviez vos raisons. J'ai bel et bien fait preuve d'égoïsme, explosa Josette Rosay. Très vite, il m'est apparu, tout comme à l'encadrement d'ailleurs, qu'il nous serait insupportable de savoir Marie loin de nous. J'ai volontairement égaré son dossier. Je n'en éprouve aucune honte, vous comprenez? Elle était notre point d'équilibre, toujours souriante et de bonne volonté. Elle n'hésitait jamais à rendre de menus services. Puis, il y avait aussi les visites au commissariat. Je crois que tous les inspecteurs l'avaient plus ou moins adoptée. Alors, la lâcher dans le vaste monde, cela m'était tout simplement impossible. Pas elle, pas notre mari. Vous étiez donc émotionnellement très impliqué. Incontestablement. Mais contrairement à ce que voudrait notre administration, on ne fait pas ce métier si l'on ne s'implique pas un minimum. Bien sûr, les autorités nous demandent de limiter celle-ci au strict nécessaire, sans toutefois bien en mesurer toute la difficulté. La seule chose que je peux mettre en avant pour ma défense, c'est que je crois avoir toujours su faire la part des choses. J'essaye de faire au mieux des intérêts de tout le monde. Les enfants, dans l'ensemble, se sont plutôt bien tenus. Si vous saviez combien m'envoient leurs vœux à chaque nouvelle année, c'est ma récompense. Nombre d'enfants qui sont passés par mon institution sont parvenus à bâtir une existence stable, ce qui me réconforte. Parce que ce n'était vraiment pas gagné au départ. Avec de gros efforts, ils sont parvenus à se reconstruire. Et le plus touchant, c'est que beaucoup ne m'ont pas oublié. Le contact se maintient, année après année, et ce sont les fortes têtes qui sont les plus assidues. Presque tous ont eu des enfants à leur tour, et me demandent encore aujourd'hui comment je faisais. Si un enfant se montre capricieux, on n'hésite pas à me demander conseil. C'est peut-être idiot, mais cela me touche quand je reçois leurs lettres, souvent accompagnées de photos. J'ai exercé mon activité pendant 40 années, et si c'était à refaire, je crois que je ne changerais strictement rien. Ces enfants m'ont tant apporté, même si, c'est vrai, Marie a toujours occupé une place à part dans mon cœur. Pourtant, Marie a grandi, et a bien fini par partir à son tour. Josette Rosay sourit pour la première fois de l'entretien. « Oui, c'est vrai. » Cela s'est fait de la plus curieuse des manières. Je m'en souviens comme si c'était hier. Marie avait 17 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, comment savoir. Elle est exactement telle qu'elle apparaît sur cette affiche, belle, confiante et pleine de fraîcheur. Elle venait juste de s'installer dans un minuscule deux pièces avec une autre fille. Elle avait provisoirement décroché un emploi de caissière, ce qui ne me réjouissait guère, quand un photographe d'une grande agence de mannequinat l'a repérée dans la rue, non loin du Pont des Arts. En une seule petite photo, tout s'est trouvé bouleversé. Vous savez comment cela se passe dans la mode. On cherche constamment de nouvelles têtes. Marie s'est imposée pour cette campagne de parfum. Ensuite, tout est allé très vite. Naturellement, comme j'étais sa seule référente, elle m'a demandé conseil. J'ai joué mon rôle, je l'ai mise en garde. Je voulais qu'elle se méfie. Ce qui était très dur pour elle, parce qu'elle faisait instinctivement confiance. Je l'ai accompagnée pour signer son contrat, bien que ce ne soit pas dans mes attributions, c'était un devoir. Vous comprenez? J'avais besoin de me rassurer. Heureusement, la directrice d'agence m'a paru très bien, très stricte sur certains aspects, mais je savais bien que cela ne gênerait pas Marie, bien au contraire, elle qui avait tant besoin d'être guidée. Vous souvenez-vous de son nom? Oui, je l'ai conservé. Car figurez-vous qu'au fil du temps, nous sommes devenus de grands amis, Hermine de Vaillac et moi. Je crois que nous nous sommes mutuellement réconfortés quand Marie est morte dans ce stupide accident de voiture. Vous savez, monsieur le commissaire, croyez bien que j'aimais profondément Samson Chardy, mais je ne lui pardonne toujours pas d'avoir tué Marie. Comment l'a-t-elle rencontrée? Presque par hasard. Sa société était chargée d'informatiser l'agence, et justement, ce jour-là, Marie devait signer un nouveau contrat. Elle devait remplacer une fille qui s'était cassée une jambe en dérapant sur une plaque de verglas. ce fut un véritable coup de foudre dont Hermine fut le témoin privilégié. Marie était complètement subjuguée par Samson. Hermine m'a confessé, presque à son corps défendant, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et qu'elle l'avait senti dès la première seconde, même si cela lui avait vrillé le cœur, car le garçon n'avait vraiment rien d'exceptionnel. Petit, plutôt rondouillard, une peau de roux, myope comme une taupe. Au premier regard, Samson n'avait rien qui pouvait attirer l'attention, mais dès qu'on commençait à le connaître, j'ai rapidement compris pourquoi Marie avait littéralement fondu devant lui. Beaucoup de charme, un sourire magnifique, et surtout un humour à toute épreuve. Un immense appétit de vivre l'instant présent, mais aussi, et peut-être surtout, une grande simplicité, une vraie gentillesse, et une maîtrise certaine de son domaine. Je reconnais volontiers à Samson qu'il n'a pas tenté de brusquer les choses. Il a dû comprendre très vite que Marie, malgré son histoire, était encore très innocente sur certains sujets. Tout s'est fait naturellement. J'aurais juste souhaité, surtout quand je contemple leur photo de mariage qui est sur ma table de nuit, que le prince charmant soit un peu plus séduisant, même si cela ne m'a pas empêché de l'aimer profondément. Il n'était peut-être pas très séduisant, mais, reprit alors Dutilleul, il offrait à Marie une solide sécurité financière, à ce que j'ai compris. Sans aucun doute. Mais de son côté, Marie était loin d'être sans ressources. Les contrats s'enchaînaient et devenaient de plus en plus rémunérateurs. Hermine y veillait suffisamment. Elle avait vraiment les intérêts de Marie à cœur. Elle sélectionnait les contrats avec beaucoup de soin. Non, vraiment. Je pense que l'argent n'est jamais entré en ligne de compte dans la relation de Marie avec Samson. Elle l'aurait aimé de la même manière s'il avait été pauvre comme Job. Pourtant, les contrats n'auraient duré qu'un temps. Oui, monsieur le commissaire, et sachez que Marie en était pleinement consciente. Hermine ne lui avait pas caché cet aspect du métier quand elle l'avait engagé. Cependant, voyez-vous, Marie n'avait vraiment rien d'une tête folle. Comme elle savait que son engagement serait très court, elle faisait très attention. Elle connaissait la valeur de l'argent. Elle ne dépensait jamais plus que nécessaire, sans être pingre pour autant. Pour quelqu'un qui avait toujours eu du mal à se projeter dans l'avenir, je trouvais qu'elle se débrouillait très bien. Je n'avais pas de raison de m'inquiéter. Même, si c'est vrai, je n'aimais guère ce goût prononcé que Samson affichait pour les voitures de sport. Dutilleul choisit de ne pas interrompre Josette Roset dans son élan. Cela lui ressemblait si peu. D'ordinaire, c'était quelqu'un de plutôt sérieux et de réfléchi. Il ne s'arrêtait jamais de travailler. Marie disait qu'il lui arrivait même de se lever en pleine nuit, parce qu'il avait une soudaine inspiration. Samson n'avait vraiment rien d'un nouveau riche. Son argent ne lui avait pas pourri la tête, ce qui est plutôt rare. C'est sans doute pourquoi j'avais tant de mal à comprendre cette passion pour ses engins. Pour sa part, Marie s'en moquait totalement. Elle voulait juste que Samson n'aille pas trop vite. Je reconnais qu'il essayait de modérer sa vitesse quand elle était avec lui, mais quand il était seul, bien sûr, c'était autre chose. C'était un jeu, un défi, une façon très spéciale de se déstresser. Croyez bien que je n'ai rien inventé, c'est lui-même qui me l'a dit. Bien sûr, il était trop fin pour ne pas savoir que je n'approuvais pas, mais c'était tout simplement plus fort que lui. En dépit de son penchant immodéré pour la vitesse, je l'aimais vraiment beaucoup. Il rendait Marie si heureuse. Il était toujours si doux, si attentionné. Je crois bien que ces deux-là n'ont jamais dû se quereller. Samson était tellement attachant, toujours de bonne humeur, accédant à tous les désirs de Marie, les précédant souvent. Puis, il pouvait se montrer d'une générosité folle. Un jour, il s'est présenté à l'institution et il m'a fait une donation de 250 000 francs. Marie lui avait dit que je traversais quelques difficultés, ayant perdu coup sur coup 3 généreux bienfaiteurs. Il est arrivé comme une fusée, a fait irruption dans mon bureau, naturellement sans avoir pris rendez-vous. Samson se moquait complètement de ce genre de contingence. Il m'a tendu une enveloppe sans plus de cérémonie. Il est reparti tout aussi vite en me recommandant seulement de ne pas en souffler mot à Marie. Il a juste ajouté « Je ne veux pas que les enfants souffrent ». Il est sorti, puis j'ai entendu un bruit de moteur qui grondait. Mon adjointe s'est alors précipitée dans mon bureau pour s'assurer que tout allait bien. Elle m'a trouvé, pleurant à chaudes larmes. Pensez, ça n'arrivait pas tous les jours. J'ai pu régler toutes les factures en souffrance et même me permettre de voir venir, ce qui ne s'était encore jamais vu. Ce fut sa première contribution, et pas la dernière, croyez-le bien. En fait, Il se préoccupait beaucoup du sort de mes protégés. Grâce à lui, j'ai pu apporter beaucoup d'améliorations, même si, hélas, il m'était impossible d'accueillir plus d'enfants. À sa mort, j'ai été très touché de découvrir que je faisais partie de la succession. C'est comme s'il avait prévu qu'un malheur pouvait arriver. Si vous le voulez bien, j'aimerais en reparler un peu plus tard, car entre-temps, Marion est arrivée.